ce que je vous propose, en fait, c'est finalement donner à voir un petit peu les expériences qui se passent dans les établissements de formation professionnelle agricole. Et puis, bah, pourquoi pas, après, voilà, ça puisse susciter des envies d'aller vers ces acteurs-là, d'en savoir plus dans votre territoire, et puis que ça puisse susciter des projets. Donc, en fait, moi, je travaille au niveau du ministère de l'Agriculture, je dépends d'une direction qui se préoccupe d'innovation et de susciter un petit peu les innovations à la fois par des soutiens à des projets de R&D, mais aussi qui se sent beaucoup sur un outil intéressant, que sont les exploitations et les ateliers technologiques dans les lycées agricoles, qui peuvent à la fois servir pas seulement à l'apprentissage des gestes, hein, mais aussi à des capacités d'analyse des jeunes. Et finalement, le ministère voilà, soutient par différentes mises en réseau ces structures-là, soutient par des temps de décharge de certains profs pour amener des projets locaux également, et puis la facilitation un peu des partenariats avec les chambres d'agriculture, avec les instituts techniques, à travers différents projets, quoi, les RNT et autres. Et donc pour faire ce travail de mise en réseau, alors moi c'est sur le thème énergie, j'ai dû trouver sur d'autres thématiques précises. Et on est aussi en lien avec des établissements d'appui, tels à l'OSU Dijon, la région nationale, etc., qui contribuent aussi à de la formation continue d'enseignants, à des projets pilotes divers et variés. Et donc, c'est une mission qui a été créée un peu dans les suites du Grenelle, comme le programme de zone d'emploi, donc, depuis septembre 2008. Alors, l'idée de. Donc. Cinq missions que l'enseignement agricole a et qui explique ces projets-là concrets que vous allez voir dans les territoires, c'est que au-delà de la partie formation, il y a bien sûr des missions d'insertion, de coopération internationale, mais la loi agricole et le code rural définissent vraiment un rôle aux fermes pour participer au développement, à l'expérimentation sur les territoires et participer à animer le milieu rural, donc par des journées portes ouvertes. Enfin voilà, ça les légitime un petit peu pour aller dans ces missions plus originales. Et je continue à dire qu'on s'articule quand même avec évidemment la politique du ministère en faveur de la performance énergétique des exploitations, donc l'idée étant d'accompagner un peu les lycées, les enseignants dans la prise en compte de ces thématiques-là, qui avait eu aussi un travail en 2009 sur les bilans carbone des établissements et des fermes avec les outils planètes par exemple. Et puis, même si c'est encore long à se mettre en place, on peut s'appuyer quand même sur des circulaires qui invitent les enseignants à généraliser l'éducation au développement durable et aussi à généraliser les pratiques agroécologiques là, aujourd'hui dans les fermes de lycée. Donc j'ai des relais, mais qui n'ont pas un temps de travail non plus énorme. Il y a des relais en direction régionale de l'agriculture et de la forêt, en RAFSRFD, qui peuvent suivre plus spécialement ces exploitations. Et puis on est surtout en lien après avec les chefs d'exploitation et puis des enseignants. Et voilà, quelques chantiers rapidement, c'est de la veille, c'est l'appui à l'information continue. Et puis des réflexions autour de comment on enseigne ce défi énergétique aujourd'hui, comment finalement répondre aux défis énergétiques du XXe siècle, quand il fallait produire plus d'énergie pour plus de monde, et ben, peut-être que le problème, il faut apprendre à le poser autrement avec les jeunes. Et voilà, c'est intéressant de construire ces modèles-là avec eux et de voir comment on les enseigne en fait. Donc il y a de la capitalisation à ce niveau-là. Et puis je dirais qu'il y a des autres groupes de travail peut-être qu'on peut citer là, c'est le groupe Biogaz des lycées, qui s'est déjà réuni quelques fois et qui permet de mutualiser leurs travaux. Alors j'ai essayé d'identifier finalement pour la suite de l'atelier la différente forme de mobilisation pour diffuser de la connaissance dans les territoires qu'on peut observer. Donc il y a 180 fermes à peu près dans les lycées et écoles et peut-être une quarantaine d'ateliers de l'IPIC ou agroalimentaire également. Alors voilà, certains ont fait des bilans énergétiques. Alors on est en train de former des profs au bilan diataire, mais il n'y en a encore qu'une trentaine formés, donc il y a encore du chemin à faire. Et puis ce qui est intéressant, mais ce n'est pas encore assez fait, hein, c'est que certains inscrivent vraiment dans le projet d'établissement qui suit chaque année, soutenu par l'équipe de direction, un suivi du bilan carbone ou des bilans d'exploitation. Donc là, c'est ce qu'on aimerait bien viser, que dans plusieurs sites, ça soit un peu institutionnalisé de cette façon-là. Et puis, ce qu'on a pu voir aussi quand ça a atteint ce niveau-là, je dirais, d'intégration à la stratégie, c'est qu'il y a des lycées comme Tournu qui étaient avec nous ce matin, mais qui ont eu des visites hier, c'est que du coup, ils sont force de proposition dans les démarches de territoire. Et pour prendre un exemple différent de ce matin, c'est que le lycée Tournu, c'est le premier EPL qui s'est engagé dans la labellisation espace vert, éco-jardin en fait. Et donc, gestion écologique du jardin, un premier parc en Bourgogne certifié. Et c'est vrai que derrière ça, bah, c'est des enjeux voilà, de gestion différenciée et durable des espaces qui peuvent être montrés à tous les paysagistes et à des collectivités qui ont des parcs. Il y a des formations-actions qui peuvent être une autre façon de diffuser de la connaissance. Je citerai la région Languedoc-Roussillon, où il y a eu un travail intéressant entre la Fédération régionale des CUMA, les champs d'agriculture et puis les réseaux de CFPPA, donc formation agricole, qui mettent en place des journées de formation où à la fois l'agriculteur passe au banc d'essai moteur son tracteur et puis a des notions du coup, sur comment réguler, comment conduire de façon plus économique. Après, un des gros enjeux, enfin voilà, les fermes, elles avancent, elles ont souvent des fois une somme d'action qui n'est pas toujours très visible à l'extérieur. Et ce qu'on aimerait travailler dans l'année qui vient, là, c'est voilà, rendre plus lisible pour que les chefs d'exploitation puissent dire, ben voilà, nous sur la sobriété, qu'est-ce qu'on fait, autonomie fourragère, gestion plus de pâturage, réduction d'intrants. Sur l'efficacité, ben voilà, on s'est équipé de tanks à lait, de pré-refroidisseurs sur le tank, et puis sur les renouvelables, voilà vers quoi on va aller. On aimerait bien que ces démarches-là soient un petit peu mieux formalisées pour que derrière les jeunes puissent un peu situer ce qui se fait. Et c'est vrai que ces démarches, elles sont évidemment très articulées aux stratégies des conseils régionaux, parce que c'est eux aussi qui peuvent soutenir les investissements après à faire dans ces exploitations. Même si ce n'est pas les seuls financeurs, ils ont des politiques pour eux. Et un autre enjeu à ne pas oublier, c'est même si on a ces lunettes énergie ou gaz à effet de serre, c'est de ne pas oublier les démarches de stratégie globale d'exploitation vers la durabilité. Donc comment concilier par exemple à Fontaine, à Duhay, à la fois pour production de bois à la pièce, mais qui soit amélioratrice de la biodiversité. Et c'est vrai que même les chambres ou les réseaux de développement agricole, hein, les GEA, ont déjà développé des formations stratégie énergie qui aident bien les agriculteurs à rechercher quel est le vrai problème derrière. Finalement, est-ce que c'est diversifier le revenu? Est-ce que c'est consolider un emploi? Est-ce que, voilà, des fois, il faut restituer l'enjeu énergie par rapport à d'autres thématiques. Donc, on aimerait bien aller vers ces aspects-là. Les lycées peuvent aussi s'impliquer dans des travaux de recherche-développement. Donc, ils peuvent des fois partir à des réseaux d'expérimentation avec les instituts techniques, les chambres ou autres. Et puis, pareil, peut-être par exemple à Bar-le-Duc, là, il y a un formateur qui s'est formé à l'outil Climagri, qui fait des bilans d'énergie, gaz à effet de serre à l'échelle du territoire, et qui du coup s'en est servi pour analyser à l'échelle de son pays si tout le monde passait avec de la luzerne beaucoup plus dans l'élevage, voilà quelles seraient les incidences. Et puis bon, on voit que ça suffit peut-être pas, alors si on généralisait sur le pays plusieurs unités de méthanisation, quel serait le potentiel? Et donc l'établissement du coup, grâce à cette étude là participe à une réflexion des élus sur le territoire sur l'avenir de la méthanisation dans ce secteur. Après, je vous inviterai à mobiliser des fois des travaux d'étudiants qui peuvent organiser des tables rondes, réaliser des panneaux d'expo, ça peut être aussi des façons de travailler avec eux. Et notamment sur les maîtres de stage, je pense qu'il y a un levier pour tous ceux qui ont des jeunes qui vont en entreprise, c'est si on fait évoluer les exigences dans le rapport de stage en intégrant un peu des critères énergétiques, en demandant aux jeunes un peu de questionner ou de faire des bilans. Ça sensibilise les maîtres de stage. Par exemple, au lycée de Laval, là, ils avaient fait avec les BTS un peu généraux, les BTS AXE, une trentaine de diagnostics. Et derrière, il y a au moins 4 ou 5 agriculteurs qui avaient eu cette sensibilisation, qui ont été jusqu'à faire officialiser des demandes de subventions et des améliorations concrètes sur la ferme. Et puis, je dirais, c'est participer à organiser, pourquoi pas, des voyages d'études ou des visites pour des élus. Alors, deux zooms sur des lycées qui sont assez actifs et qui ont déjà avancé certains projets. Donc en Rhône-Alpes, le lycée de Chambéry, Madame-Saint-Ouest, alors qui lui, pour le coup, est déjà bien urbain, même Auvernais, je citerai après, c'est plus tellement des lycées en milieu rural. Alors qu'à Chambéry, donc, ils ont des vaches farines qui transforment en tomes pour le fromage, il y a des escargots, des cerfs et puis quelques ouvres également. Donc voilà, ils ont avancé un peu sur l'autonomie fourragère, ils ont mis en place du séchage solaire de fourrage. Ils travaillent avec les concessionnaires locaux aussi sur le réglage des tracteurs et les bancs d'essai moteurs. Donc ça peut aussi sensibiliser un peu les concessionnaires à ces thématiques agroéquipement énergie. Et puis, depuis septembre 2011, donc, ils ont développé et mis en route une unité de méthanisation de petits volumes basés principalement sur les déchets du lycée, les tombes des communes, les déchets de cantine et aussi un peu d'issues de céréales du territoire. Et donc bah, ça c'est intéressant parce que ça permet vraiment de former aussi bien les profs des autres matières en général hein, qui d'abord vous êtes passé en cours, donc qui ont des réalisations concrètes. Ça permet de sensibiliser, ça permet aux jeunes de s'entraîner à des gestes professionnels et puis à monter en compétences d'analyse aussi. Donc ils ont développé une licence professionnelle, je pense qu'il s'est fait labelliser formateur aussi depuis le début, là, donc conseiller en crise d'énergie dans le secteur agricole. Donc ça, quelque part, c'est une ressource interne, comme l'ENSAM ici, avec les étudiants, leur matière grise, des fois, pour faire avancer des projets sur la ferme. Et puis, c'est des lieux de visite pour agriculteurs, agricultrices. Et une des spécificités là-bas, c'est que c'est une ferme pédagogique depuis plus de 10 ans, et que donc, du coup, ils sensibilisent des scolaires, des primaires qui viennent là. Ils développent des petites animations aujourd'hui sur le Vélez, pour ces niveaux-là. Et les consommateurs qui viennent acheter leur panier. Et ils ont accueilli également un autre public, c'est les fonctionnaires des directions départementales des territoires qui instruisent les dossiers PPE et qui, pour voir des réalisations concrètes, avaient pu venir visiter comment c'était mis en place le méthanisien grâce à la subvention PPE. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de toucher aussi ces publics-là qui ont moins l'occasion des fois de voir des réalisations concrètes. Donc avec de multiples partenaires, conseils régionaux, généraux, ADEM, l'Épination Environnement, les chambres, l'Université de Savoie. Et puis, je dirais que ça permet. Ils ont fait une journée régionale, par exemple, sur l'étude du bilan carbone énergie, donc tous les lycées de Rhône-Alpes sont venus voir ça. Et puis, deuxième exemple, donc en Alsace plutôt, là c'est un lycée qui a été menacé à un moment d'être délocalisé et finalement ils se sont dit non, si on veut vraiment rester là entouré, cerné par la ville de Berlin, il faut qu'on soit vraiment utile à notre territoire et donc d'où des sentiers touristiques dans la rue bio, d'où des travaux sur la réduction d'intrants, la gestion de l'eau un petit peu, semi-direct aujourd'hui, des formations en biodynamie, donc il y a des choses un peu innovantes et puis énergie renouvelable, du coup photovoltaïque et une plus grosse unité de méthanisation. Et là c'est un stagiaire d'Isara d'ailleurs, un doctorant d'Isara qui a étudié ce cas-là dans sa thèse, parce que sur les circuits courts de biomasse énergie, c'est un des 7 territoires qu'il a étudié et il y a eu vraiment une intelligence, un travail d'acteur entre le supermarché local, le lycée, l'entrepreneur agroalimentaire, charcuterie locale, les élus. Et donc, ça a pris 6 ans quand même à ce que ça sorte de terre, donc c'était aussi un projet long. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelque part à la fois construction du projet énergétique, sensibilisation un peu tout le monde, puis presque construction d'une identité ou renforcement d'une identité territoriale. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, toujours avec des soutiens. Important, et puis des facteurs de réussite liés à la mise en place d'un comité de pilotage pluripartenarial, un chef d'exploitation extrêmement motivé et capable de compter son temps, et des élus politiques, des élus qui ont été vraiment derrière le projet également. Et donc, aujourd'hui, ça permet aussi de traiter de ça en formation, dans des modules, de faire bosser les étudiants sur le diagnostic énergétique. Donc je dirais, il y a des exemples comme ça qui sont intéressants. Je pense qu'il faut formaliser des fois mieux parce qu'ils ne prennent pas toujours le temps de formaliser un peu leur démarche. Il y a des questions dans le réseau sur, il faut mettre un peu plus d'énergie dans toutes les disciplines, hein, pour que tous les profs aient plus de culture commune sur ces enjeux-là, donc ça, il y a encore du travail. Et puis, est-ce qu'il y a des métiers qui émergent, comme avec Ensaya, qui travaille peut-être sur la mécanisation à l'école, des diplômes spécifiques à créer, ou est-ce que c'est remettre du coup, l'énergie à la ferme un peu dans tous les... Enfin, je pense qu'il y a les deux à avancer. Une des difficultés, c'est faire travailler un peu en pluridisciplinarité à ces niveaux-là. Quoi. Les programmes le permettent un peu, mais peut-être pas suffisamment. Donc ça, voilà, je l'ai déjà évoqué un peu tout à l'heure. Et puis, je dirais qu'un des leviers, à mon avis, qui est intéressant à pérenniser, c'est d'avoir des temps un peu de décharge ou d'animation pour que ces projets-là voient le jour et aller au bout de la mise en œuvre. Par exemple, à Périgueux, qui vient d'avoir son unité de méthanisation aussi mise en route, ben là, ils ont un prof qui aura un tiers temps énergie pour développer des formations, pour organiser des visites. Et c'est pas le tout qu'il y ait des projets énergétiques remarquables qui sortent de terre, il faut aussi des fois après les mettre en valeur, faire de la communication, de la pédagogie et tout. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore plein de jeunes peut-être qui n'ont pas du tout assez parlé de ces enjeux-là en formation, mais on essaie d'avancer. Quoi. Je pense qu'il y a des enjeux à chiffrer un peu aussi, parce que pour l'instant on lise beaucoup d'actions, mais on n'a pas encore assez mesuré les impacts constructifs, l'électricité, qu'on soit plus précis sur ces choses-là.